en partant de mes débuchets. Qu'il faut le bras long pour décrocher la lune, tout en gardant les pieds sur terre. Sur tête, la tête de dur de ma propre vie. Seul, je m'isole, l'écriture me soigne quand les blessures naissent. Ah, une douleur marquante, mais j'assume terre. Je garde le sourire tout en crachant mes blessures stères. Tu rires au gouffre, y'a personne quand tu cries au secours. Malgré cette douleur marquante, frère, j'assume terre. En psychiatrique au car noir, un mode de vie qui en fait passer plus d'un de la vie active au parloir. Écoutez, comprends mes peines, écoutez, comprends mes peines. Putain, n'y vois pas qu'un petit gars qui hausse la voix. C'est hoche ma voix, cette terre me lasse, ça m'agace, suicidaire. Faut que je me taille avant que mes veines ne fassent à ma place. On rêve de voir la maman et le daron fier. Malheureusement, c'est pas le temps qui passe qui abîme nos alphas. Visage triste, gros samka. Toujours pas les moyens de me barrer loin. Maintenant, dans son moi, je quitte la Suisse. So bye bye. Oh, calme-toi. Mais mec, c'est un monde de fou, comprends-moi. J'ai l'impression de vivre en psychiatre. Faut que je m'adapte. La tease m'a mis trop de patates. Je suis smic pour être au lait. Cette merde m'a fait louper trop de rêves. Bref, pour être honnête, si je devais décrire nos vies, je dirais un mélange genre film tragique, cauchemar trash. J'sais qu'il y a pire que moi dans ce monde. Je veux m'éloigner de la tristesse. Non, je veux pas vivre de ça dans le son. Je me renferme car on a capturé ma liberté de penser. Et mes rimes riches n'ont même pas de quoi payer le prix de la rançon. J'apprends que mes leçons de base. Mate les gosses d'aujourd'hui, combien ça prend élevé, mais ne le sont pas. La rage de vivre, ils ne l'ont plus, un parcours casque. Lâche l'école et les cours parce que être diplômé n'est plus le rêve des jeunes. Celle des ordres, merde ces chums. Leur vision de la vie se résume en un jeu PlayStation. Génération, j'aime pas ma vie, mais j'envie celle des autres. Ça prétend être des hommes, prêts à vendre leur âme pour faire des sommes. J'pèse mes mots, j'pèse mes mots. Inconscient comme cette fille de 15 ans qui perd les os sans connaître le père de ses gosses. Elle marche ou crève dès le berceau. Pas franchement fraîche les punks. Les soirées boum d'ados transforment en soirée 16 pédos. Beaucoup ont déjà le nez dans la C. Génération, je mange à ma faim, mais je me plains de ce que j'ai dans l'assiette. Moi, je bouge pas d'un poil quand j'ai un peu t'es dans la merde. On s'insulte en public, mais dur de se dire je t'aime sans se cacher. Et ma jolie, tu te respectes, bien que je te baisse dans la caisse. Je te connais pas, mais t'as l'air sale, viens, on le fait sans latex. Ma conscience, c'est plein de regrets que je pense à elle. Je pense à elle. Encore mineur et je vois les problèmes s'entasser. Putain, adorable, non, loin d'être ces ados là. Pas pour avoir certains potes connaissent moins le prof que l'avocat. Déterminé, comme ce mec a tout perdu et qui rentre dans une banque, une arme à feu sous la Norac. Et c'est pas drôle, je crois que plus grand chose m'étonne depuis que j'ai vu cette femme enceinte baiser pour sa dose de crack. Je trouve ça hardcore, je te jure. Des envies de meurtre quand je vois Daron caresser sa fille dans l'espoir que la pauvre suce. Tu veux t'ouvrir aux gens qui voient la vraie valeur ton cœur. Mais entre le rap et le trafic d'organes, c'est vite vu lequel rapporte le plus. Les gens deviennent froids, la mort n'est pas si spectaculaire. Pourtant, beaucoup de ceux qui la croisent n'en reviennent pas. C'est trop gore, on se trouve en mauvaise posture. La drogue dure fait que les videurs croisent plus de cadavres qu'un croque-mort. Y'a personne quand tu cries au secours, un mode de vie qui en fait passer plus d'un du rire au gouffre. Un mode de vie qui en fait passer plus d'un du rire au gouffre. Gueule blanche, eh, c'est pour le gouffre. En partant de mes débuchets, qu'il faut le bras long pour décrocher la lune, tout en gardant les pieds sur terre. Sur tête, la tête de dur de ma propre vie. Seul, je m'isole, l'écriture me soigne quand les blessures naissent. Ah, une douleur marquante, mais j'assume terre. Je garde le sourire tout en crachant mes blessures terre. Tu rires au gouffre, y'a personne quand tu cries au secours. Malgré cette douleur marquante, frère, j'assume terre.